sur elle les pires cauchemars en étalant par terre. Les années passent sans engagement pour elle. Ces idées-là surviennent. Je croise les nécessaire. Donnez-leur encore une fois le temps qu'ils puissent se refaire. Il meurt d'espoir.